Alors, président Badakani, pourquoi cette menace? Je vais retirer si ça paraît comme si c'était un odieux chantage. Ou alors, si c'est une menace réelle, elle va faire les affaires de la rue malienne, en tout cas du peuple malien, qui n'a de cesse depuis quelque temps de demander le départ des soldats français. À la suite des analyses pertinentes qui m'ont précédé, je voudrais inscrire mon analyse dans un prisme psychanalytique. On va faire de la psychanalyse ici. Oui, ça se fait au niveau de l'analyse de l'histoire D'accord. et de l'action historique de certains États. Vous ne comprenez rien, on ne comprend rien à cette espèce de schizophrénie. Qu'on observe au sommet de l'État français, si on oublie une constante de l'histoire, mon cher Bongo, qui est que l'oppression rend malade l'oppresseur. Celui qui inflige l'oppression à un autre ou à un autre État, c'est vrai aussi, c'est vrai pour les États, est malade. Et la longue tradition de crimes et d'oppression que la France inflige à l'Afrique en général et aux États africains pris particulièrement, a rendu malades les dirigeants français qui souffrent d'une pathologie quasi inguérissable. C'est celle de l'incapacité congénitale des dirigeants français à discuter sérieusement avec les Africains, à les regarder dans les yeux. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ici que la France est incapable de discuter avec les Africains, de parler avec les Africains. Il n'y a aucun homme politique français qui soit capable, qui ait l'épaisseur culturelle et politique, à même de le faire discuter sérieusement avec l'Afrique, avec les Africains. C'est pour ça que vous voyez les faux fuyants, des contorsions les plus honteuses, des approches les plus honteuses. Vous vous demandez ce qui se passe, mais vous n'allez rien comprendre si vous oubliez cette dimension qu'ils sont en train de soulever. Et le cas pathologique le plus grave, c'est celui du jupitérien. D'abord, c'est un jupitérien. En plus, qui se transforme en humain, c'est très compliqué. Mais en plus, il est arrogant. C'est-à-dire, il se comporte vraiment comme un vrai banquier. Comme un banquier. Et alors, quand un banquier s'introduit en politique, n'est-ce pas, et qu'en plus, lui-même, il a une propriété privée de Rothschild, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mon cher Bungu. Donc, moi, cette approche permet de comprendre, sans beaucoup se creuser la tête, n'est-ce pas, l'impasse dans laquelle Paris s'est elle-même jetée en Afrique. La situation est en train de lui échapper à la Non, France. on est en train de chasser la France de l'Afrique. C'est ce que. Oui, le panafricanisme est en train de chasser la France de l'Afrique. Tout à l'heure, je voudrais préciser quand même que si j'ai bien compris l'angle d'analyse de mon ami docteur Rifoué, quand il parlait de la jurisprudence tchadienne, n'est-ce pas, ce n'était pas la situation en tant que telle. Il parlait au niveau du comportement de la communauté internationale L'interprétation, autoproclamée. absolument. Autoproclamée. Il parlait de ça, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, moi, j'ai bien compris ce qu'il était en train de dire. Parce que le cas malien, au plan de l'analyse de la situation, c'est quand même un État qui a été attaqué, agressé par une horde terroriste parrainée par la France. Deuxièmement, ça a débouché sur l'assassinat d'un président qui venait d'être réélu. La situation est Vous voulez assez parler grave. du Tchad? Le président Déby, la situation est très très grave. Le cas malien est clair. C'est un mouvement populaire, n'est-ce pas? Un mouvement populaire qui déclenche une dynamique de contestation que le pouvoir de l'époque n'arrive pas à maîtriser. Et ce mouvement populaire se prolonge par une prise de pouvoir par des militaires qui font démissionner l'ancien président Ibeka. Bon, personne ne peut regretter un type aussi léger. Personne ne peut regretter Ibeka. Il ne vaut pratiquement rien politiquement. C'est un pion français, hein, et un type de pion honteux, puisque même c'est ce que l'on place disant en coulisses que vraiment, il nous fait honte. Il nous fait honte et réfléchissait déjà à son remplacement en finançant une partie des mouvements de la société civile au Mali. Je parle de la France. Voilà. Donc, il faut que les gens le sachent, hein, en finançant. Après, une partie de la société civile au Mali, malheureusement, la rue malienne, le peuple malien a devancé la France et a ouvert un boulevard aux militaires qui, pour empêcher l'effondrement total de l'État, n'est-ce pas, ont pris le pouvoir. Je voudrais rappeler que ce n'est pas une nouveauté au Mali. Il faut rappeler ça aussi. C'est le quatrième coup d'État. Quatrième. depuis 1968, n'est-ce pas, où la France a chargé, n'est-ce pas, M. Moussa Traoré, un ancien d'Indochine, n'est-ce pas, donc, de renverser Modibo Keïta, qui avait lancé une dynamique d'émancipation totale de son pays à l'égard de la France. Le Mali s'est inscrit, après 23 ans du régime de Moussa Traoré, dans une dynamique de coup d'État pratiquement successif, tous les deux, tous les trois ans. Donc, si on oublie cette dimension-là, on va se limiter au factuel et qualifier, n'est-ce pas, et réduire ce qui se passe au niveau de l'État malien actuel à une affaire des militaires. C'est plus complexe que ça. Pour revenir maintenant à la situation là, qui prévaut là, les choses sont claires. Moi, je pose toujours une question à M. Bongo. Comment on peut refuser à un patron de limoger son employé? Dans le cas d'espèce, c'est un limogeage. Hein. C'est un limogeage. C'est-à-dire que ce président qui était un colonel retraité et son premier ministre, leur légitimité vient d'où? Faisons un peu de science pour lui, ça vient d'où? Ils ont été élus par qui? La source de légitimité s'appelle M. Assimi Goïta. C'est même pas Paris, docteur Rufoué. C'est-à-dire Paris a seulement. On peut dire que bon, pour faire le jeu, faire un dos rond dans un premier temps, il a préféré lui-même aller chercher quelqu'un. Et il a mis en avant, il était vice-président. Ce qui a plu à Paris, et le sous-préfet de Paris en Côte d'Ivoire, qui a juré la perte, n'est-ce pas, des militaires maliens. Parce qu'il a peur des idées que ça va donner lui-même dans son propre pays. Je parle de M. Ouattara. Donc c'est un tandem maléfique qui s'est formé avec la ferme résolution de tout faire pour renvoyer les militaires dans les casernes au Mali. Sauf que dans leur démarche, ils veulent remplacer les militaires par leurs militaires à eux. Et c'est ces gens qu'on a nommés à la place des figures emblématiques, n'est-ce pas, des figures emblématiques de ce qu'on appelle le mouvement, n'est-ce pas, de juin hein, au Mali. Incarné justement par ces militaires et en particulier la figure principale qui est M. Assimi Goïta. Donc, on ne peut pas refuser à un patron de limoger son employé. Si ce que vous appelez communauté internationale est si légère, mais elle est qu'à se prendre elle-même, elle est tellement légère parce que le crime érigé en pratique politique est toujours inconsistant. On ne réfléchit plus. Comment vous pouvez en même temps dire que le coup d'État est illégitime et valider, n'est-ce pas, un pouvoir civil que vous qualifiez de légitime, alors que sa source est militaire. Sa source est militaire. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce genre de contradictions? Deuxièmement, on peut expliquer à qui? Les fanfaronnats de jupitériens, là, il faut qu'ils se taisent, parce qu'à un moment donné, ils montrent au monde entier qu'il n'a même pas de culture diplomatique. Parce que il appelle quoi coup d'État dans un coup d'État? Il appelle quoi? Ça veut dire quoi? En matière, je parle devant vous, vous connaissez les relations internationales. Ça signifie quoi, coup d'État dans un coup d'État? Il ne peut même pas aller mobiliser l'ONU avec ça. Il le sait. Il ne peut pas. Ça veut dire quoi, coup d'État dans un coup d'État? Alors, il croit qu'avec des pilotes comme ça, il peut masquer, n'est-ce pas, les crimes français au Mali qui aujourd'hui justifient et alimentent ce que lui appelle, une fois de plus, maladroitement, sentiment anti-français. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, Assimi Goïta a viré son employé. Pour faute, quand un employé est incompétent, est-ce que son patron passe devant un tribunal parce qu'il a viré M. Bungu? C'est quoi cette affaire-là? Alors, on a viré un salarié incompétent. Terminé, le vrai patron a repris les choses. C'est normal dans le cas malien. C'est normal, il n'y a même pas à le dire. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle a bien compris ça, elle a validé. Donc, le débat est clos. Au plan du juridique interne, c'est clos. Le débat est clos. Il y avait une charte de la tradition malienne. Une charte que, n'est-ce pas, ce prétendu président de la transition a signée. Mais bon, ça. Et son premier ministre, ils l'ont signée, mon cher Bungu. Et les dispositions pertinentes de cette traitement sont claires. Elles attribuent un rôle important au vice-président. En tout cas, dans le volet sécuritaire. Sécuritaire, et même imposent des consultations. Mais ce monsieur, parce qu'il est allé à Paris, et parce que tout le temps, il a au téléphone, monsieur Ouattara, il s'est dit, futur président, monsieur Bongo, vous pouvez me dire pourquoi ce monsieur a été invité au sommet de Paris? Oui, on est dans une phase de transition dans un pays. Vous voyez un sommet comme celui-là, on invite le président de la transition. Mais pourquoi il y est allé? Il y a eu, derrière le sommet officiel, il y a eu un autre sommet officiel sur le Mali. Entre M. Macron, le président de la transition au Mali. Pour paraphraser le président Macron, un sommet dans le sommet. Dans le sommet. Et M. Ouattara, le but était clair. C'est là où ce monsieur a reçu des injonctions claires d'aller appliquer la feuille de route informelle n'est-ce pas, en dehors de la feuille de route officielle de la charte de la transition, d'aller appliquer cette feuille de route qui est la mise à l'écart des militaires qui ont fait tomber Ibeka. Parce que pour M. Ouattara et Paris, c'est inacceptable. Il n'accepte pas. Voilà l'affaire. D'accord. Entre-temps, M. Ouattara fait des pressions terribles contre le Mali. Embargo, fermeture des frontières, financement des militaires dits anti-putschistes. Récemment, le Mali, dans le cadre des accords qu'il y a le Mali à Côte d'Ivoire, demandait de la fourniture de 10 mégawatts d'électricité. Mais M. Ouattara a soumis ça au respect d'une condition. Vraiment, qui a arrangé Paris, faire partie des militaires. Voilà l'affaire. Mais même là, ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière ces chefs de la transition, il y a un enjeu terrible au Mali. Ces militaires n'acceptent pas comme partition leur pays. Et on oublie ça. Parce que derrière cette affaire, il est question de valider la fameuse accord d'Alger. Une calamité, à tout point de vue. Il est clairement signifié que on va créer un État fantôme, un État qu'on appelle l'État de la Zawad, qui va avoir pratiquement 66% des ressources de ces régions-là. Et comme par hasard, c'est la raison, une région extrêmement riche. Et quand l'État malien reviendrait 45-46%. Vous voulez que des militaires valident ça? Mais voilà le vrai débat. Où est-ce qu'on peut accepter ça? À partir du moment où les militaires refusent la partition de leur pays, refusent qu'on brade leur pays, à partir du moment où l'armée demande que l'honneur d'une nation soit respecté, cette armée est démocratique et son action est légitime. Okay. Surtout par rapport à une puissance criminelle qui encadre les terroristes, les armes, qui habille ses soldats en djihadistes, les met des barbes alors qu'ils ne sont pas les djihadistes. Pourquoi vous riez, M. Bongo? La France habille ses soldats, ils portent des barbes, ils s'habillent en djihadistes, n'est-ce pas? Vous savez, on a vu ça là-bas, hein, avec Daesh, non? Vous savez que maintenant, le monsieur là, il s'appelle qui encore, j'ai oublié son nom, c'était pas un djihadiste, son vrai nom c'est Elliot Simon, je crois. C'est un Israélien, vous voyez. On l'a habillé en djihadiste, hein, et on l'a dit que c'est lui qui a créé Daesh. Ça a conduit à détruire un État comme la Syrie, pratiquement, des millions de réfugiés et des centaines de milliers de morts, vous vous rendez compte? En tout cas, des campagnes, des opérations d'intoxication, ça existe, évidemment, non, dans le monde secret. Non, il faut rappeler seulement ça. Non, c'est le mensonge, M. Bongo. C'est le mensonge inacceptable. C'est leur type de diplomatie, ça. C'est pas ça, la diplomatie, il faut arrêter ça. Vous comprenez? Donc, la France habille ses soldats. Ils mettent le feu au Mali, vous comprenez? Ils empêchent l'armée d'entrer à Kidal. Ils empêchent les députés maliens d'entrer à Kidal. Vous rendez compte? Et quand les Africains s'organisent pour vraiment en finir avec le terrorisme, comme on l'a vu avec le maréchal Déby dans la campagne qui est arrivée jusqu'aux adjas des Ifogas, la France dit de stopper. Lorsqu'on veut déjà attraper ces terroristes, n'est-ce pas? Elle dit de stopper. Mais il y a tellement de preuves qui accablent ce pays que la seule alternative qu'il y a, c'est de la chasser du continent africain. D'accord. Et nous, on se réjouit de voir que ce chassement-là avance à grands pas. Ok. Président Badakani, l'un des sujets également qui fâche, bon, il est président de la transition, mais le quid du poste de Premier ministre? Parce qu'aujourd'hui, certains craignent que ce poste-là ne revienne à quelqu'un qui soit affilié plus ou moins à des réseaux islamistes. Vous partagez cette peur? Oui, la peur a des fondements. Dans le cas du contexte malien, où au-delà des acquaintances, oui, qu'il y a entre même certains hommes politiques maliens et des réseaux djihadistes, il faut le dire, des réseaux djihadistes traditionnels, pas le djihadisme d'État français, il faut distinguer les deux. Et il y a le poids que le leader religieux, M. Mamadou Diko, il y a son poids dans ce mouvement social. C'est vrai qu'il n'est pas un islamiste, il est un imam, simplement. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, on ne peut pas dire que au regard de la situation malienne, il n'y a pas de risque. De risque de dériver islamiste. Mais il ne faut pas forcer aussi beaucoup les traits. Mais est-ce que ce ne serait pas forcer plutôt un adjouvant? Oui. Quelqu'un qui rassure effectivement les frères du Nord pour les ramener. Est-ce voilà, que... il y a cet enjeu-là, c'est important. Je comprends, il y a cet enjeu qui est que d'abord, ça pose le problème même du narratif. Oui, du narratif même officiel. Du narratif officiel par rapport à ce qu'on appelle la question du djihadisme là-bas, au Nord Mali précisément. Parce qu'il y a le narratif français, il y a le narratif même d'une certaine partie de l'administration malienne, qui amalgame souvent des revendications des populations locales, qui ne sont pas des islamistes, qui ont des revendications socio-ethniques. Et qui ont un mode de vie séculaire. Merci, c'est vraiment le mot que j'ai. Qui entendent défendre et qu'on a souvent assimilé. Voilà, qu'on a souvent assimilé, à du terrorisme, à du djihadisme, pour justifier le statu quo. Ça a été le cas d'Ibeka. Ce qui a même fragilisé l'adhésion de ces populations aux dynamiques militaires visant à chasser les terroristes. Donc il y a l'enjeu du non. Au-delà de ça, il y a l'enjeu même géopolitique qui consiste. La France a fait de Gao sa capitale au Mali. C'est-à-dire, il y a des situations qui sont inacceptables et intolérables. C'est-à-dire, c'est que la posture de la France, s'agissant en Afrique, vraiment, sont inacceptables. C'est-à-dire, ça justifie que toute l'Afrique rompe les relations avec ce pays-là. C'est-à-dire, il y a quand même des choses qui sont inacceptables. Paris a fait de Gao sa capitale. Au point où le chef d'État français est venu faire la revue des troupes à Gao. Mais est-ce que vous vous rendez compte, M. Bongo? Est-ce que vous vous rendez compte? C'était la provocation permanente de la part de ce pays-là. C'est une provocation permanente des Africains sur leur territoire. C'est une atteinte répétée tous les jours et systématique à la dignité africaine. Donc, c'est pas possible, ça. Donc, vous voyez, il y a cet enjeu. Et donc, ça fait donc qu'il y a un enjeu du non. Et Assimi Goïta, lui-même, est très conscient de ça. Et l'enjeu, donc, c'est un enjeu qui va beaucoup peser dans la nomination du Premier ministre. Et selon vous, cette nomination ne doit pas se faire le plus rapidement possible. Si, elle doit se faire le plus rapidement possible. Vous l'espérez pour quand? De votre posture d'analyste politique. On n'a pas traîné, il faut que c'est la semaine prochaine qu'il y ait un Premier ministre. C'est même, il y va de la crédibilité, de la transition à ce niveau-là. Alors, il y a aussi maintenant, il a dit, le docteur, il faut la souligner, il y a l'enjeu social. Il y a l'enjeu social. Ce mouvement, c'est un mouvement populaire qui a une base revendicative. C'est-à-dire que les conditions de vie des populations maliennes se sont totalement détériorées, n'est-ce pas? Et il faut gérer ça. Les militaires ne feront pas de miracles, mais il faut continuer à faire une certaine pédagogie qui montre, n'est-ce pas, aux syndicats, aux acteurs de la vraie société civile malienne. La vraie. Je ne dis pas les fanfarons qui sont financés par Paris, là, et qui s'appellent société civile. Il faut donner des perspectives à cette, d'espoir, n'est-ce pas, à cette organisation. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'et ils comprennent ça. Je crois qu'elles sont prêtes à comprendre. D'abord, elles ont donné des gars, elles ont montré leur disponibilité à donner des coups de flèche, n'est-ce pas, à la transition militaire. Donc, il y a un enjeu que le colonel Gotha doit gérer. Il faut sans cesse élargir la base sociale de cette transition militaire, sa base sociopolitique. Si à ce niveau-là, il y a des erreurs qui sont commises, les ennemis du Mali vont exploiter. Et Paris n'attend que ça. Il faut élargir sa base, il faut la renouveler. Et l'enjeu du gouvernement, c'est aussi ça. Il faut chasser cette vieille classe politique complètement parisianisée et totalement corrompue. Et c'est ce que nous, le départ ici, nous avons cessé de dire à nos frères maliens, que si vous faites une révolution avec cette classe politique complètement, c'est-à-dire il faut trouver même d'autres mots, ça n'a pas marché, c'est un cadeau à Paris que vous faites. Les fonds ont démonté le compte, ont conforté notre terre. On est heureux aujourd'hui que cette aile militaire du Mali, n'est-ce pas, ait pris les choses en main et que que le mouvement social malien soit remis dans sa véritable perspective historique, qui est de la réconcilier avec la dynamique qu'avait incarné Modibo Keïta. C'est de l'unité du Mali, celle de la valorisation de ses immenses ressources, et les gens oublient que c'est un pays extrêmement riche, c'est de la mise en valeur de son patrimoine historique. C'est quand même un grand pays en Afrique. Ce n'est pas n'importe quel pays, le Mali. Du point de vue historique, Tombouctou, ce n'est pas n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, il y a tous ces enjeux-là que les militaires doivent savoir mettre en perspective pour garder le cap. Mais maintenant, il y a aussi maintenant l'enjeu africain. C'est bon, pourquoi on a peur de parler de ça? Je voulais vous rappeler, tout à l'heure, je voulais parler de la continuité historique de ce mot, la continuité historique du patriotisme africain, qu'on appelle aujourd'hui néo-panafricanisme. Je voulais vous rappeler qu'à l'indépendance, à la veille d'indépendance, c'est la conjugaison du panafricanisme et de l'anticolonialisme qui a produit les grands mouvements indépendantistes qui ont quand même permis d'arriver à cette indépendance, fût-elle formelle dans certains pays, mais il y a des pays où c'était plus consistant. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est pas le néo-panafricanisme. Louis-Michel aime beaucoup en parler. C'est quoi? C'est simplement une reconduction historique de cette dynamique-là. Et vous voyez, une fois de plus, on essaie, on conjugue, n'est-ce pas, cette tradition anticolonialiste, n'est-ce pas, et le panafricanisme, dans cette dimension de renouveau. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est ça qui est en train de se reproduire là. C'est ça qui est historique. C'est ça qui est merveilleux. Et qui débouche donc sur la fin de la mainmise occidentale. Quand on parle de Paris, lui-même, c'est un pays qui n'est qu'un label désormais. C'est un pays colonisé qui est un pion dans les mains des banquiers internationaux, occidentaux. Donc on est là avec l'arrivée des Russes. C'est une bonne chose, l'arrivée des Russes. Il ne faut pas en parler avec des gants. C'est une très bonne chose, l'arrivée des Russes. Parce que les Russes, comparativement à la France, sont un bon partenaire. Pourquoi ? La Russie n'est pas un pays pauvre. Surtout sur les très riches, les gens ne le savent pas. Hein. Le sous-sol russe est très riche, hein, les riches de la Russie. Contrairement à un pays comme la France qui a un sous-sol vide et qui n'arrive même pas à assurer son autonomie énergétique, n'est-ce pas ? Ne peut pas assurer le chauffage à des populations si elle ne confisque pas l'uranium au Niger. Et malien, parce que s'il y a l'uranium au Niger, il y en a au Mali. Donc vous comprenez ? Donc il y a tout ça. Les Russes peuvent être à l'abri si il y a des préoccupations. Historiquement, les Russes ont toujours incarné cette posture au niveau international de soutien au mouvement de libération. Vous comprenez ? Alors, il n'y a pas de philanthropie en géopolitique, mais si vous comparez la Russie et la France et l'Occident, il n'y a pas match. Donc, la présence de la Russie est une bonne chose. D'accord. Parce que même à la fin des indépendances, on a fait des pas aussi, n'oubliez pas ça, en alliance avec un certain internationalisme russe. Il faut le dire. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe à l'Afrique. Là. C'est l'un des premiers points de frustration avec la France. Tout à fait. Ouais. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe là. Donc, l'Afrique a un tournant au Mali, ça avance très bien, il faut soutenir les militaires, il faut envoyer balader la CDAO, une organisation vaurienne, qui est un bras de Paris comme l'Union africaine, il faut les envoyer balader, et il faut être ferme, n'est-ce pas, ferme sur les acquis que le Mali vient de conquérir face à la France. Merci Banda Kani. Afrique Média. Le monde, c'est nous.